femme de 40 ans, c'est bien plus excitant. Les femmes de 40 ans, c'est très très décadent. Les femmes de 40 ans sont bien meilleures amantes que je fais l'amour avec maman, c'est super super amant. Ma maman, y'a que toi qui sais, me susurrer à soi. Surtout que ma maman à moi, elle sait me prendre dans ses bras. Maman, elle est pour ça.